Salut Simon, c'est Juan. Rendez-vous au restaurant samedi à midi. Pour aller au restaurant, c'est facile. À la gare, prendre la rue de la Résistance. À droite, il y a la cathédrale. Tournez à droite dans l'avenue Louis-le-Grand. À gauche, il y a le musée. Continuez tout droit et tournez à gauche dans la rue de la Tour. Le restaurant est à droite, en face du café et à côté de l'hôtel. À samedi. Salut !